Il vaut mieux être craint ou être aimé? Bonne question. Moi, si j'avais le choix, je préférerais qu'on me craigne. La peur, c'est plus solide que l'amour. Une amitié peut toujours se vendre ou s'acheter. Tu vois bien, si je fais une blague, tout le monde se marre sans hésiter. Je suis amusant, mais pas à ce point. C'était pas la mer à voir, mais j'ai tout de même bu la tasse. Lâché dans un terrain à battre, déraciné de points d'attache. J'savais pas que le moindre écart, s'il nous empêcherait d'éclore, rien m'était destiné, ni ma bande d'époque, ni les bandes d'école. J'garde en tête un plan de déco pour que mes rêves se réalisent. Aujourd'hui j'me refais à vide, ma nébuleuse me réanime. On prend de l'âge et des rides, donc vaut mieux lâcher des rires. J'connais pas la fin du livre, mais j'tourne les pages comme elles arrivent. Des larmes de sang à chaque chapitre, histoire tranchante comme une lame de rasoir. Pas très soir, c'est pas l'amour et l'eau fraîche, j'gardais ni ma soif. J'étais pas destiné pour une vie moderne, être l'enfant modèle. J'connais pas le bonheur des soirs de Noël. Sans cesse plonger dans nos rêves, la réalité me fait des milliers de signes. J'attends pas qu'un retourne, moi j'attends le prochain millésime. Mille hésitations, chaque année se répète de la même manière. Ma route s'est déjà tracée de l'autre côté de la barrière. Je veux que le paradis soit paradis comme dans mes rêves, qu'on puisse se balader sans craignant la criminalité. Un lieu prospère où Lucifer n'a pied à terre. Enterrez l'âge des pierres et faites-vous prière. La news coule des balles, ses affaires. Je veux que le paradis soit paradis comme dans mes rêves, qu'on puisse se balader sans craignant la criminalité. Un lieu prospère où Lucifer n'a pied à terre. Enterrez l'âge des pierres et faites-vous prière. La news coule des balles, ses affaires. Je fais mes dièses en secrète, ma fierté me rend parano. J'ai cru avancer sur le bon chemin, j'étais à deux pas de la mort. Préparé à prendre des coups, je viendrai pour la contre-attaque. J'ai pas besoin d'une paire de couilles, mais plutôt d'un contre-attaque. En braquage et bicra, j'ai noyé tous mes rêves d'enfant. C'est cette vague de jalousie qui a emporté les vrais de l'avant. On était fort, on était six, du 57 jusqu'aux intimes. Des saltis, suffit d'en parler, j'en ai le cœur qui scintille. En Saint-Dine, on a grandi, on a perdu nos principes, indi. Et ça de Bienne jusqu'au Valent de Saint-Tille, j'insiste. On a du mal à croire, perdu dans nos paragraphes, nourri par la gamme, certains omnibulés par la gloire. Mais je bosse dur pour voir ma passion s'accroître. Je mise tout en elle, faut pas qu'elle me lâche ou je la bastonne. Jour où je la croise, les yeux tout rouge, ma foi, c'est pour palper les étoiles. Avant que cette routine nous fasse disparaître sans laisser de traces. Chienne de vie qui a transmis la rage au mien. Si je me confie à toi, c'est pour que les autres ne sachent rien. Mais je lâche rien, j'évite les coups de bâtard. Je suis devenu un fou de la vibe, c'est ce qui m'a redonné le goût de la life. Je veux que le paradis soit paradis comme dans mes rêves, qu'on puisse se balader sans craignant la criminalité. Un lieu prospère où Lucifer n'a pied à terre. Enterrez l'âge des pierres et faites-vous prière. La news coule des balles, ses affaires. Je veux que le paradis soit paradis comme dans mes rêves, qu'on puisse se balader sans craignant la criminalité. Un lieu prospère où Lucifer n'a pied à terre. Enterrez l'âge des pierres et faites-vous prière. La news coule des balles, ses affaires. Ses affaires. Avec des refrains d'il y a 10 ans, mon frère. Toujours là. Ça. On est toujours là. Yeah. Achille, on n'oublie pas. Derrière les barreaux. Hein? Dans la ville de Bienne. Putain. Dans le stud. Ça. Yeah. Normal. Amalgame, prod. Apo, fils.